musiques qui sont encore dans les pianos, tous les poèmes qui sont encore dans les stylos, toutes les chansons qui sont encore dans l'air, dans l'eau. Je les entends déjà chanter dans le silence quand s'avance. Venant vers moi, mon bel amour qui me sourit, presque trop beau pour être vrai, mais c'est bien lui. Alors j'entends par-delà les jours et les nuits chanter, chanter le monde à l'infini. Chaque bonheur a son clavier, chaque ciel son encrier. Chacun de nous a son poète qui aujourd'hui ou bien demain l'enfermera dans un refrain. Les musiques qui sont encore dans les pianos, tous les poèmes qui sont encore dans les stylos, toutes les chansons qui sont encore dans l'air, dans l'eau. Je les entends déjà fredonner dans l'espace quand tu passes. Quand nous partons tous deux bras dessus, et que nous laissons nos deux cœurs faire les 100 coups, alors j'entends, tant pis si vous me croyez fou, chanter, chanter le monde à cause de nous. Les soleils qui sont encore au fond des nuits, les arcs-en-ciel qui sont encore au fond des pluies, les vérités qui sont encore au fond des puits. Je les vois déjà briller quand j'espère que notre amour sera toujours plus grand, plus beau. Alors pour toi j'inventerai, même s'il le faut, toutes les musiques qui sont encore dans les pianos.